vais faire un tour dans ma ville. Admire le périph' en bidonville. Bienvenue dans ma ville, où seul le respect est exigé. N'écoute pas les préjugés. Ici y'a pas de violence. Notre quotidien c'est la vengeance. T'es prêt à faire la violence? Si les ceux qui sont au sommet ne réagissent pas. Les pompiers arrivent et ils mettent ça aussi. C'est devenu très tendu ici.